La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, le présent est-il devenu trop intense ? En 1941, Stefan Zweig écrivit un texte assez court intitulé « Les pêcheurs du bord de Seine ». L'anecdote se passe le jour de l'exécution de Louis XVI, le 21 janvier 1793. À quelques centaines de mètres de la place de la Révolution, aujourd'hui place de la Concorde, où se dresse l'échafaud, des hommes assis sur les rives de la Seine pêchent à la ligne. Tout concentrés sur les seuls mouvements de leurs bouchons de liège, ils ne tournent même pas la tête quand la clameur de la foule signale que le roi vient de perdre la sienne. Zweig, qui a lu cette histoire dans le livre « Les dieux ont soif » d'Anatole France alors qu'il était encore adolescent, explique qu'il l'avait prise pour une pure invention. Comment croire qu'on puisse ne pas s'intéresser à l'histoire quand celle-ci se déroule à portée de regard ? Mais, ajoute-t-il, la guerre qui a cours me fait éprouver l'impossibilité de vivre intensément tous les événements en même temps, y compris les plus décisifs. Voilà pourquoi je puis désormais comprendre et excuser les pêcheurs des bords de Seine. Ils avaient de bonnes raisons d'être lassés et fatigués par 4 ans de révolution. Ils avaient sans doute envie d'oublier leur époque plutôt que d'y prendre part. Car tous autant que nous sommes, nous n'avons qu'un seul cœur, un petit cœur étroit qui ne peut enfermer qu'une certaine dose de malheur, même lorsque se produisent à haute cadence des faits dits historiques. D'où notre besoin, parfois, de laisser filer les événements en faisant très exactement comme s'ils n'avaient pas lieu. Quelques mois plus tard, peu avant son suicide, le même Stefan Zweig fit un constat qui pourrait être une autre clé de l'affaire. La technique n'a pas appelé sur nous de pires malédictions, écrit-il, qu'en nous empêchant, fût-ce pour une seconde, d'échapper au présent. Que ne dirait-il pas s'il revenait parmi nous ? Avec l'avènement du numérique, cette malédiction s'est pleinement réalisée. Il se passe en effet tant de choses que, sans cesse alertés et pris de vertige, nous ne savons même plus où donner de la tête. D'autant que les formes modernes de la communication se sont transformées en une vaste polyphonie de l'insignifiance, fabriquant une fugacité qu'elle renouvelle sans cesse et promouvant la vétille au titre d'épopée du genre humain. Enfermés dans l'absorption permanente du hic et nunc, nous perdons les moyens intellectuels de discerner quel paysage général est aujourd'hui en train d'émerger. Car pour l'entrevoir, il nous faudrait occuper un lieu topologiquement impossible, être d'une part rivé aux événements, d'autre part en retrait par rapport à eux, à l'écart de l'intensité du présent, tranquillement assis sur les rives, non de la Seine, mais du flux trop fougueux de l'actualité. Ne serait-ce pas trop demandé à notre esprit ? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Patino. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Arte et vous venez de publier un livre intitulé « Submersion » qui traite précisément de cette question de la surabondance des événements offerte par le numérique. Ma première question porte sur le titre. Comment est-ce que vous l'avez trouvé ? Au début, avant d'écrire, ou après ? Comment est-ce que c'est imposé à vous ? En fait, c'est le titre qui a déterminé le livre parce que... Alors on pourra dire que la métaphore aquatique est un peu habituelle chez moi puisque j'avais écrit « La civilisation du poisson rouge puis tempête dans le bocal ». Et en fait, alors que je réfléchissais à mettre un terme au triptyque, ce que j'avais considéré comme un triptyque au début, c'est cette idée d'être complètement emporté par le flot, en fait, de ne plus être capable véritablement de voir même... non pas de maîtriser, mais même d'appréhender le flot qui arrive, et le titre s'est imposé. Et ça a donné ce livre-là. Et c'était d'autant plus, me semble-t-il, pertinent que je me disais, ce flot qui est déjà infini va encore croître avec les intelligences artificielles génératives, donc je n'arrive même plus à le qualifier aujourd'hui. Et en exergue de votre livre, Bruno Patino, vous citez un extrait de l'encyclopédie rédigée, enfin de la préface rédigée par Denis Diderot en 1755, bien avant le numérique. Donc, je lis rapidement cet extrait. Tant que les siècles continueront à se dérouler, le nombre de livres ne cessera de croître et l'on peut prévoir qu'un temps viendra où il sera presque aussi difficile d'apprendre quoi que ce soit des livres que de l'étude directe de l'univers entier. Il sera presque aussi commode de chercher quelques parcelles de vérité cachées dans la nature que de la trouver cachée dans une multitude de volumes reliés. Il a tout dit, non ? Oui, en fait, effectivement, c'est ce qu'il y a en exergue résume presque le livre. Alors, on pourrait le voir de deux façons. Première chose, on pourrait dire, finalement, c'est un sentiment ancien et assez récurrent. Donc, rien de neuf n'est en train de nous arriver. J'en accepte l'augure, mais c'est pas tout à fait mon analyse, parce que je crois que Diderot met finalement le doigt sur un principe d'accélération qui a commencé à apparaître. On peut le dater de l'invention de l'imprimerie, si vous voulez. Avant l'invention de l'imprimerie, il faut un an à un moine copiste pour faire une Bible. 40 ou 50 ans après l'invention de l'imprimerie, il y a déjà 15 millions de livres en circulation. Donc, et ce principe-là et ce processus-là ne va jamais s'arrêter. Et sans doute, croit-il désormais, grâce au numérique ou à cause du numérique, de façon exponentielle, dans les trois étapes qu'on peut assez bien distinguer, si vous voulez. C'est-à-dire que la première étape du numérique, c'est la copie. Tout devient fichier, donc tout devient copie. La copie étant illimitée, ce qui est à disponibilité augmente de façon vertigineuse. La deuxième étape qui arrive en 2006-2007, ça n'est plus la copie, mais c'est le partage, la viralité ou on dirait la propagation. Et avec les réseaux sociaux, la connexion permanente entraîne cette viralité et entraîne aussi l'arrivée donc de ce qu'on appelle les contenus générés par les utilisateurs. Et donc le flot augmente encore. Et désormais, avec les intelligences artificielles génératives, on passe à la copie infinie, à la viralité infinie, s'ajoute la production quasi infinie, puisque, j'allais dire, les capacités productives, soit dans l'aide à la production, soit à la production tout court, désormais en termes quantitatifs, sont totalement illimitées, et donc le flot va encore croître. Mais pourquoi est-ce que vous dites que nous avons perdu la nuit ? C'est à cause de la continuité de ce flot ? En fait, je démarre toujours par un ressenti. Moi, ce qui m'intéresse dans les techniques, je suis pas ici pour parler de moi, mais ça fait plus de 20 ans, 25 ans que je travaille dans l'univers numérique et dans l'articulation des médias et le numérique. Et ce qui m'a toujours intéressé dans la technologie, c'est ce qu'elle à la fois changeait dans nos usages et ce qu'elle changeait aussi dans notre vie ou dans le ressenti qui peut être le nôtre. Et il se trouve que les moments où je me sens le plus submergé, si j'ose dire, c'est ces moments nocturnes où l'écran veille à votre place et que cet écran, il est à la fois en réalité prometteur puisqu'il vous promet un accès absolument infini à toute chose et en réalité il devient envahissant puisque très bizarrement cet accès infini à toute chose devient finalement un espèce de tsunami qui vous submerge et qui vous plonge dans une forme qui n'est pas vraiment une insomnie mais une sorte d'assomnie puisque vous êtes en veille permanente. En tout cas ce ressenti était le mien et c'est de là d'où je pars pour essayer d'expliquer cette submersion qui est la nôtre, à la fois ce trop, cette abondance, et quand je dis abondance, c'est abondance de signes, de messages, d'images, évidemment je ne parle pas de l'abondance matérielle, mais cette abondance qui de promesses est devenue un problème, et les conséquences à cette abondance, qui sont des choix qui ne sont plus vraiment les nôtres, la fatigue qui peut nous étreindre, et parfois l'hallucination qui nous guette. Mais pourquoi est-ce que vous ne décidez pas d'ignorer cet écran, au moins la nuit ? C'est la peur de rater quelque chose d'important qui se passerait pendant votre sommeil ? Alors, je suis peut-être un cas désespéré, mais en tout cas pas un cas unique. C'est-à-dire que je crois quand même que tous ces outils, encore une fois, la façon... Alors si on rentre un peu dans le détail, si vous voulez, c'est-à-dire que ces outils... c'est une technique qui cumule deux choses. D'une part, la puissance du réseau. Et après tout, rien ne dit qu'on devrait être en permanence dans le réseau. Et le réseau est un dispositif qui est chargé d'une certaine utopie, et en tout cas à laquelle je participe. Et puis de l'autre, l'économie de la donnée. Et l'économie de la donnée, ça suppose évidemment, notamment dans son acception publicitaire, que vous passiez le plus de temps possible sur votre écran. Et donc cet outil-là a développé un certain nombre de possibilités, capacités d'instruments, on va dire ça comme ça, pour faire en sorte que nous passions le plus de temps possible sur lui. Et ça marche sur certains individus, dont moi. Et ces mécanismes de récompense permanente, que ce soit par la récompense aléatoire, les effets de complétude ou autres, fait que nous sommes relativement nombreux aujourd'hui à nous être habitués à être en permanence sollicités, en permanence appelés par l'écran, et nous avons souvent peine à l'éteindre. Alors, ce que la nuit perdue dont je parle, c'est un syndrome que certains appellent celui du veilleur sentinelle, c'est-à-dire la personne qui est incapable d'éteindre totalement son téléphone portable la nuit. Et j'ai lu une étude disant que entre 30 et 40% des gens étaient atteints de ce syndrome-là. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et j'imagine que ça augmente. Ça augmente. Ça augmente, pas de façon très croissante, mais ça augmente. Mais en même temps, la prise en compte ou la prise de conscience de ce phénomène augmente aussi. Donc, on va voir ce qui va se passer. Bruno Patino, vous avez parlé de puissance. Alors, parlons d'énergie. Est-ce que vous pensez que c'est durable, ce numérique-là, qui est très consommateur d'énergie électrique? Alors, moi, j'ai pas de compétences dans ce domaine. C'est-à-dire que, effectivement, aujourd'hui, ce qui est étonnant et contre-intuitif pour des gens qui ne sont pas scientifiques comme moi, c'est que la dématérialisation a une empreinte énergétique ou énergique presque aussi forte, voire plus forte que la matérialisation des choses. Donc, Non, mais je vous pose la question parce qu'à un moment, on y reviendra. D'ailleurs, vous parlez de la loi de Moore. Oui, tout à fait. Qui permet de réduire la taille des objets, des processeurs qui réalisent certaines fonctions. Et quand on regarde l'évolution au cours du temps depuis, disons, 1945, de la consommation électrique engendrée par l'informatique puis le numérique, on voit évidemment qu'elle augmente, mais pas autant qu'on pourrait l'imaginer, parce que la miniaturisation des composants fait qu'on a pu amortir l'accroissement considérable des usages par une diminution de l'énergie que réclament les fonctionnalités élémentaires. En tout cas, il y a une chose dont je suis intimement persuadé qui n'a pas grand-chose à voir avec l'énergie, c'est que la décélération de ce processus, je ne la vois pas du tout arriver. En tout cas, on atteint des limites quantiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir réduire la taille des éléments, de sorte qu'on s'attend à ce qu'assez prochainement, la consommation devienne proportionnelle aux usages, qui eux se multiplient. Et donc, si on ne va pas vers un peu de sobriété, il y a le risque qu'on ne puisse pas fournir l'énergie électrique réclamée par le numérique en général. Alors, vous dites dans votre livre, dès le début, que la démocratie en est évidemment modifiée. Ça change notre rapport aux politiques, aux autres, à l'information, etc. Mais vous allez jusqu'à dire que la démocratie devient ce que vous appelez une hémocratie. Alors, qu'est-ce que c'est? Et en fait, si vous voulez, il y a plusieurs choses. Si on parle un peu de l'évolution démocratique, il faut le prendre de deux façons. La première, on va dire, c'est la délibération ou la nature de la délibération. Si on reprend un peu la théorie d'Habermas sur l'espace public, si vous voulez, dans les mécanismes qui assurent la délibération, et notamment la délibération citoyenne, le rôle de l'information est absolument central. Et ce qu'il faut bien voir, si vous voulez, c'est que avec l'arrivée des réseaux sociaux, deux choses se sont opérées. L'une qui est, j'allais dire, consubstantielle au réseau, et l'autre qui est consubstantielle à leur modèle économique. La première chose consubstantielle au réseau, et je pense que souvent on ne se rend pas compte de ce phénomène-là, c'est ce que j'appelle la fin du contexte ou le grand mélange. C'est-à-dire qu'un réseau social, c'est une conversation décontextualisée. Quand vous êtes dans un café, quand vous êtes dans une université, dans une émission de radio à France Culture, a fortiori dans un organe d'information, le contexte dans lequel vous percevez un message vous rassure sur la nature du message et vous le fait comprendre. Un réseau social, parce qu'il brasse tous les types de messages possibles, qu'ils soient informationnels, amicaux, humoristiques, nocifs ou autres, un réseau social ne véhicule aucun contexte au message qu'il donne. Et donc, ça provoque une sorte d'immense mélange et de conversation totalement décontextualisée qui mélange l'information à d'autres types de messages. Et donc, qui produit une difficulté de discernement de ce qui est vrai et faux. Certes, tout le monde en parle, mais aussi de ce qui est une information et de ce qui n'en est pas une. Le deuxième point, qui est consubstantiel au modèle économique des réseaux, c'est que comme ceux-ci sont sur un modèle publicitaire, c'est-à-dire qu'ils privilégient les messages qui sont économiquement les plus rentables, et un message pour être rentable, il doit répondre à deux conditions. La première, c'est attirer votre attention alors que vous faites autre chose. Et la deuxième chose, c'est être viralisé par vous le plus vite possible pour attirer l'attention des autres. Eh bien, les messages qui sont évidemment favorisés sont les messages qui vont agir plus sur votre émotion que sur votre raison. Et les messages les plus émotionnels, eh bien, par nature, si j'ose dire, sont les messages les plus outranciers ou ceux qui provoquent les réactions les plus outrancières. Et donc, si on rajoute ces deux points-là, c'est-à-dire grand mélange décontextualisé des messages et, favoritisme presque naturel des messages les plus outranciers, eh bien, on obtient une délibération ou une conversation de plus en plus polarisée, mais aussi de plus en plus fatigante. Et je mentionne dans le livre, et là ça fait écho évidemment à Stefan Zweig que vous citiez et à l'anecdote ou à l'histoire des pêcheurs à la ligne le 21 janvier 1793, c'est qu'on voit se développer de plus en plus, suite à ces deux phénomènes que je mentionne, ce qu'on appelle la fatigue informationnelle. Nous l'avons mesurée avec la Fondation Jean Jaurès et Arte. Elle a été mesurée par le Reuters Institute d'Oxford. Entre un tiers et une moitié de la population se dit aujourd'hui fatiguée par les informations et un petit tiers commence à ne plus s'informer. Or, quand on ne s'informe plus, on ne participe plus de façon rationnelle à la délibération publique et donc, d'une façon ou d'une autre, le démos de la démocratie commence à changer de nature et devient plus quelque chose qui est fondé sur l'émotion. Et donc, je me suis permis de créer ce néologisme « démocratie ». Donc, c'est une démocratie qui devient émotionnelle. Purement émotionnelle. Et la délibération émotionnelle n'est pas une vraie délibération. J'y faisais référence tout à l'heure, Bruno Patino, en parlant de la loi de Moore, mais vous invoquez trois lois de l'univers numérique. Donc il y a la loi de Moore qu'on a évoquée, mais il y en a deux autres que je ne connaissais pas. Est-ce que je vous laisse les rappeler ? Oui, c'est des lois qui sont des constatations empiriques. Alors parce que la loi de Moore, c'est la capacité de traitement. Il y a la loi de Gilder, qui était, elle, sur la puissance de calcul. Et la troisième, qui est la loi de Metcalfe, qui montre que l'utilité d'un réseau ou sa puissance étant égale au carré du nombre de ses utilisateurs, en fait, augmente de façon exponentielle par rapport au nombre d'utilisateurs. Et tout ça pour dire qu'à un moment donné, il y a de moins en moins de limites à l'accélération, parce que à la fois la capacité de traitement, la capacité de transmission et, j'allais dire, la puissance du réseau ne cesse d'augmenter. Donc ces trois lois, on les appelle comme ça, mais c'est en fait même la loi de Moore, d'ailleurs, ce sont des constatations empiriques. Certaines d'entre elles... Vous savez à faire des prédictions quand même. Hein. Oui, tout à fait. Mmh. Tout à fait. Et des prédictions relativement justes jusqu'à il y a encore 5-6 ans. Mais la dynamique de ces trois lois, elle continue à exister. Et vous dites que le numérique, finalement, dont on pourrait imaginer qu'il change la vie de l'esprit, enfin nos cerveaux, notre psyché, vous dites qu'il modifie aussi nos corps. En tout cas, nos attitudes. Si vous regardez d'abord nos attitudes corporelles, la nuque baissée, la tendinite du pouce, et le regard un peu absent parce que vous marchez dans la rue, vous savez ce qu'on appelle le twalking, vous marchez dans la rue en regardant votre portable, vous avez les oreilles qui sont désormais prises par des casques connectés en permanence. Donc nos attitudes corporelles changent, mais aussi nos attitudes, j'allais dire, comportementales changent. C'est-à-dire que la sollicitation permanente qui est la nôtre, toutes les 4, 5, 6, 9 secondes, fait que on a une concentration de plus en plus hachée. Alors les études neurologiques, moi je ne suis pas neurologue et je ne prétends pas l'être, mais quand j'essaye de regarder, je ne trouve aucune étude neurologique définitive aujourd'hui qui dise... Il y a une transformation constatée, il y a certaines études qui disent oui, on dirait qu'il y a une transformation, d'autres qui disent que non. Moi, encore une fois, je plaide l'incompétence neurologique, mais en revanche, sur les changements comportementaux, ça c'est une évidence, et ils sont constatés par tous. Est-ce que vous connaissez Bruno Patino, un paradoxe qui a été énoncé en 1980, enfin dans les années 80, par un monsieur qui s'appelait Moravec, le paradoxe de Moravec. Il disait que finalement, plus une chose est facile à réaliser pour un humain, plus elle est difficile à réaliser pour une machine ou pour un algorithme, par exemple. Et il citait comme exemple la coiffure. Et c'est vrai que les robots ne coiffent pas. Donc les coiffeurs ne sont pas menacés par la concurrence technique, en tout cas pas jusqu'à maintenant. Il parlait aussi du jet ou de la capture d'une balle. Les robots ont du mal à faire ça, alors que nous, on a une sorte d'intuition qui nous permet de le faire. Et puis, parler aussi de la reconnaissance des visages, que les humains font très bien et dont ils pensaient que les machines ne pourraient jamais le faire. Là, il s'est trompé. Oui. Et puis, il y a certaines professions intellectuelles qui sont menacée par la concurrence de ChatGPT, par exemple. Est-ce que vous pensez que les modifications du numérique, enfin, qu'il va engendrer sur les métiers, par exemple, les compétences, la façon d'enseigner, sont le bouleversement que certains décrivent? Alors, plusieurs choses. D'abord, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, comme vous l'avez vu dans le livre, j'ai plutôt tendance à situer les intelligences artificielles génératives comme, j'allais dire, une étape supplémentaire à un processus qui est commencé déjà depuis 20 ou 30 ans. Et là, je parle évidemment du processus numérique en général. Aujourd'hui, il y a une expression qui était utilisée par un développeur récemment qui disait l'intelligence artificielle générative ne doesn't raise the bar, donc n'augmente pas, j'allais dire, la hauteur des choses, mais ça soulève le plancher en réalité. Et donc, ça nous permet, comme un outil, de faire des choses beaucoup plus vite. Je pense que c'est un outil, d'un certain point, d'une puissance absolument phénoménale. Et donc, évidemment, comme tout outil, il modifie un certain nombre de métiers. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce livre-là, c'est qu'effectivement, il modifie aussi de façon quantitative tout ce qui va être produit, entraînant pour autant des effets évidents, à la fois de modification absolue moi, je pense que l'information est au premier point, si vous voulez, à la pointe avancée des influences de l'intelligence artificielle générative, à la fois outils ou armes. Et donc là, on va voir ce qui va se passer, mais je pense qu'effectivement, le flot de messages va augmenter de façon croissante. Donc ça va évidemment avoir des conséquences sur les métiers. Est-ce qu'elles seront aussi radicales que ce que les gens disent? Je n'en sais rien. Vous voyez qu'un grand groupe allemand comme Axel Springer a commencé à créer cette semaine, d'ailleurs, un média totalement généré par l'intelligence artificielle d'un point de vue informationnel, a réduit les effectifs de ses journaux les plus populaires, la Bild-Zeitung, de, je crois, 20 à 30% pour être remplacé par des IA. Donc on voit bien, si vous voulez, que dans toutes les, j'allais dire, ce genre de mécanisme, vous avez soit un effet de substitution, soit un effet d'augmentation ou d'accroissement des capacités. On va être sur les deux. Néanmoins, s'il y a quelque chose ou un récit auquel je ne participe pas, mais peut-être à tort, vous allez me le dire, c'est le récit qui fait de l'intelligence artificielle non pas un outil, mais une créature ou une création quasiment divine qui, à un moment donné, comme dans tout récit mythologique, se tournerait envers son créateur. Peut-être que ça arrivera à un moment ou un autre, mais en tout cas, dans ce que je constate, de ce que je vois, moi, de façon empirique, dans les endroits que j'étudie, je ne vois pas ça arriver du tout. Ben, le mot intelligence, dans l'expression intelligence artificielle, c'est le mot anglais. Quel traitement de l'information, la gestion de données, c'est pas la même chose que l'intelligence en français qui comprend l'esprit critique, la capacité à distinguer le vrai du faux, la capacité à argumenter, etc. Mais quand même, elle mime une forme d'intelligence. Quand on lit un texte produit par ChatGPT, on a l'impression, même si c'est faux, que ce texte a été écrit par quelqu'un d'intelligent. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que là, je le mentionne dans le livre, si vous voulez. Il y a, moi, l'anecdote m'a beaucoup intéressé, parce qu'à un moment donné, un admirateur, je le mentionne dans le livre, de Nick Cave, envoie à Nick Cave une chanson à la mode de Nick Cave, réalisée par ChatGPT. Et effectivement, pour les gens qui aiment bien Nick Cave, ça ressemble étonnamment à du Nick Cave et on aimerait s'y laisser prendre, si vous voulez. Et de l'autre côté, Nick Cave, quand il reçoit ça, je vais pas être aussi vulgaire qu'il l'a été quand il répond, mais enfin, en gros, il dit c'est vraiment n'importe quoi. Et il utilise ce mot anglais, il dit « it's a mockery », donc c'est vraiment une caricature. Et je pense, si vous voulez, qui, moi, m'a intéressé, puisque je parle de concerts d'avatars, de musique réalisée par les intelligences artificielles, effectivement, qui ressemble à s'y méprendre à ce qu'on croirait. C'est-à-dire que, effectivement, on peut le prendre de deux façons, en disant le jaillissement créatif n'est pas là, puisque c'est d'une façon ou d'une autre une forme de clonage, de répétition et de transformation. Mais en même temps, et c'est la deuxième chose qui est intéressante, ça provoque de l'émotion et on adore s'y laisser prendre. Et j'essaye de mentionner dans le livre à quel point, si vous voulez, même si vous savez que vous avez devant vous un produit d'intelligence artificielle, émotionnellement, de façon humaine, vous avez envie de faire comme si Vous étiez face à une production... C'est l'effet Elisa. C'est exactement l'effet Elisa. Puisqu'on parlait musique là, et c'est très étonnant de voir la façon dont les gens reçoivent le dernier, entre guillemets, titre des Beatles qui s'appelle Now and Then, qui est à la fois une vieille bande de John Lennon nettoyée par de l'IA, auquel on rajoute la guitare de George mort depuis 20 ans, des chœurs dérivés de Here, Then and Everywhere qui datent de mémoire de 66 ou 65 plus exactement. Et donc l'IA produit ça et provoque quand même, en tout cas pour beaucoup et en tout cas pour moi, une émotion extrêmement forte. Et donc cette imbrication, si vous voulez, qui tient à notre réception dans laquelle nous aimons tout à fait l'imbrication entre ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, ce qui est synthétique, comme on dit aujourd'hui, et ce qui est une production humaine, ça va avoir vraiment des conséquences non seulement sur notre vie culturelle, des conséquences possibles et inquiétantes sur notre vie informationnelle, mais des conséquences tout court sur notre vie. Je raconte ces évidemment fausses prédictions et où cette façon qu'ont certaines entreprises aujourd'hui de proposer d'avoir un robot conversationnel qui dialogue avec vous. Vous pouvez dialoguer avec votre père disparu ou un proche disparu, pour autant que vous ayez eu des exemples de sa voix et des productions de sa part qui font qu'on retrouve une certaine façon de syntaxe ou de dialogue. Et je pense qu'on va de plus en plus dialoguer avec des créatures synthétiques. On le fait pour commander une pour louer une voiture, ça nous pose pas de problème, on va le faire de façon de plus en plus forte pour une grande partie de nos vies, de notre vie, j'allais dire, administrativo habituelle, quotidienne, mais je pense qu'on va rentrer effectivement dans le champ émotionnel. Et ça m'intéresse beaucoup d'en parler, effectivement. Le danger, c'est qu'on devienne tous comme Don Quichotte, hein. Je mentionne Don Quichotte, 1605, la première victime pour moi de la submersion, puisqu'il lit trop de romans de chevalerie et il finit par ne plus distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux et il vit dans sa fiction. Il est dans un métaverse. Il est dans son propre métaverse, mais et là où ça m'a intéressé, c'est que on pourrait dire bah c'est pas grave, hein, il a son trip, hein. Certes, mais son trip n'est pas sans conséquence sur lui-même, puisqu'il passe les deux quasiment l'intégralité des deux volumes de ses aventures à être roué de coups, moqué, manipulé ou autre, et que sa vie glorieuse dans son propre métaverse chevaleresque est en fait misérable quand on la regarde dans sa propre réalité. Le titre que j'ai choisi pour cette émission, Bruno Patino, c'est « Le présent est-il devenu trop intense ? Est-ce qu'il y a trop de tout, finalement, en matière d'information, de choix de musique, d'émissions de radio, de vidéos, etc. ?» Et vous expliquez dans votre livre que quand on a trop de choix, en fait, on n'arrive pas à choisir. C'est ça. Et vous citez une étude anglaise, britannique, réalisée en 2020, qui m'a... Sur les 100 jours. Oui, qui aujourd'hui, nous passons en moyenne 100 jours dans notre vie, à décider de ce que l'on va regarder. Alors, je sais pas quand a commencé l'étude, parce que ce 100 jours, il correspond à, sans doute à ma génération, peut-être. J'imagine. Mais les générations d'après, ça va être plus, voilà. C'est beaucoup plus. C'est une moyenne sur, Une génération un peu passée. Donc, ça vient que l'indécision est consubstantielle au choix. En fait, si vous voulez, parce que ça, d'abord, est-ce qu'on a trop de tout ? Vous remarquerez qu'à un moment donné, je dis, c'est pas qu'on produit trop, c'est qu'on ne sait plus choisir. Ou qu'on ne choisit pas assez. Parce que je pense que, si vous voulez, encore une fois, l'accroissement de la production, il est consubstantiel au modèle. On peut le regretter, on peut s'en féliciter, mais je m'amuse à citer certains chiffres que tout le monde connaît. C'est les plateformes de streaming musical, c'est entre 80 et 100 millions de titres. Une plateforme vidéo comme Netflix, c'est 35 000 ou 40 000 épisodes si vous êtes en Grande-Bretagne, et il faut 30 000 années pour regarder les nouveautés postées sur YouTube en une année. Donc ça, vraiment, oui, il y a trop, mais en même temps, quand on dit il y a trop, ça pose un problème, parce qu'on se dit bah, qu'est-ce qu'il faut enlever ? Or, personne ne sait ce qu'il faut enlever. Mais le trop, ce trop-là, provoque effectivement notre indécision, parce qu'on a tous grandi, en tout cas moi, avec l'idée que le nombre d'options était corrélé à notre degré de liberté était corrélé au nombre d'options. Vous avez le choix entre deux options, vous êtes moins libre que si vous avez le choix entre cinq options. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Et entre 10 options, vous êtes encore plus libre. Et donc avec ce paralogisme qui pourrait dire que ben si vous avez une infinité d'options, ben vous êtes infiniment libre en réalité, ou vous êtes totalement libre. Donc il y aurait un lien entre la démocratie politique et la société de consommation. En tout cas, clairement, la science politique nord-américaine le sous-entend. Or, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait tout à fait dire qu'en matière de choix, au-delà d'un certain nombre d'options, il y a des rendements décroissants. Alors, les gens qui font mon métier, dans l'univers culturel, le voient tout à fait. C'est-à-dire qu'on sait que quand vous avez plus de 12 options, vous commencez à déléguer votre choix ou à procrastiner votre choix. Vous donnez l'exemple des pots de confiture. Alors, il y a des exactement, tests qui ont été faits. Des tests qui ont été faits sur les pots de confiture. Si vous avez le choix entre 3 ou 4 pots de confiture, ben, vous avez environ, je ne sais plus le pourcentage, 40% des gens qui achètent un pot de confiture. Et si c'est plus. C'est plus que ça. Oui. En tout cas, vous perdez beaucoup. Et quand vous avez le choix entre 15 ou 30 pots de confiture, il n'y a plus que 15%, je crois, des gens qui pourraient... Quand se dit que les supermarchés soient aussi bien achalandés, ils pourraient jouer sur la rareté, il y aurait plus d'achats. En tout cas, là, on parle bien du choix à faire, non pas du volume de choses qui vous sont proposées, mais du même choix dans une même catégorie. C'est Barry Schwartz que je cite dans le livre qui a ce thème de paradoxe du choix, que j'aime bien reprendre et dans lequel il dit toujours, alors lui, il prend des exemples en termes de jeans, il dit voilà, quand j'achetais des jeans, quand j'avais le choix entre 3 modèles, j'essayais les modèles. Mes attentes n'étaient pas très fortes parce que j'avais le choix entre 3 modèles. J'étais content de mon choix. Et donc j'étais super content quand je sortais. Maintenant, j'ai plus de 40 modèles disponibles pour ma corpulence et ma taille. Donc évidemment, j'ai pas le temps de les essayer tous. Et en plus, comme j'ai 40 modèles, mes attentes ont augmenté. Donc j'ai ces deux choses, des attentes qui augmentent et une capacité à faire le choix de façon normale, c'est-à-dire essayer les modèles qui n'est pas là. Donc je délègue mon choix. Je le délègue à la vendeuse, à la publicité, au vendeur, à qui vous voulez. Mais d'une façon ou d'une autre, quand je sors de là, je suis triste et malheureux. Je pense qu'il y a un jean qui me serait allé un peu mieux. Exactement. Je suis sûr qu'il y en avait un qui m'allait mieux. Et quand vous regardez aujourd'hui, il y a cette phrase. Alors moi, je commence toujours avec, parce que j'aime bien les anecdotes, donc je commence toujours avec cette idée des gens qui essayent de faire un choix sur Netflix. Mais ayez cette phrase autour de vous, très simple. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a de moins en moins de choses sur, et vous donnez le nom d'une plateforme vidéo ? Tu ne trouves pas que ces derniers temps, il y a de moins en moins de choses sur Spotify ? Tu ne trouves pas que vraiment Netflix, c'est plus ce que c'était avant ? Et tout le monde va vous dire, c'est vrai, il y a de moins en moins de choses, alors que statistiquement, il y a de plus en plus de choses. C'est parce que votre appréhension du choix, votre choix est de plus en plus délégué. Et toute une partie du livre vient, qu'est-ce qui se passe quand je le délègue aux algorithmes ? Qu'est-ce qui se passe quand je le délègue aux calculs ? Et la thèse du livre, c'est que quand je délègue mon choix au calcul, ce choix n'est pas aberrant, mais il est par nature insatisfaisant. Mais il fait gagner du temps. Il fait gagner énormément de temps. C'est-à-dire que sinon, ce serait pas 100 jours, mais beaucoup plus qu'on passerait dans une vie. Bien sûr, mais si vous gagnez du temps en étant insatisfait, qu'avez-vous gagné au total ? C'est ça la question. C'est-à-dire que je me dis toujours, c'est-à-dire que évidemment on voit, alors on pourrait faire référence à des domaines qui sont bien plus amples que le domaine de la musique, la culture, les images, l'information ou autre. On se dit de plus en plus de choix de nos vies sont délégués à des algorithmes. Et ça nous fait gagner du temps. Je ne vais même pas parler de l'orientation scolaire, de Parcoursup ou autre, etc. On est aidé par les algorithmes de plus en plus pour faire notre choix. Mais ce choix, il est la base d'un calcul. Et ce que j'essaye de dire dans le livre, c'est que ce calcul, il est forcément approximatif. Il est forcément approximatif parce que quel que soit... Et réducteur. Réducteur. Et approximatif. Il est deux en même temps. Et approximatif. Réducteur parce que, là je fais appel à un philosophe qui s'appelle Bernard Williams, qui était un des critiques les plus féroces de l'utilitarisme, et qui dit, mais un algorithme, donc une formule de calcul, ou un outil systémique, ne peut pas être un agent moral. Donc il est réducteur, il y a une partie de vous qui est réduite dans ce choix-là. Et puis par ailleurs, il est réducteur, comme il me plaît à le dire, là je cite plus de choses de pop culture, parce que, en théorie, dans cet univers-là, il ne vous permet pas de trouver ce que vous ne cherchiez pas, et ne vous permet pas non plus de ne pas trouver ce que vous cherchez. Or, ce sont deux choses extrêmement importantes dans notre vie culturelle ou dans notre vie spirituelle au sens large du terme, qui peut être religieuse ou pas du tout religieuse, mais en tout cas dans une dimension humaine de nos vies. Et en tout cas, moi Les équipes d'Arte, on essaye de développer, comme d'autres ici à France Culture, un média culturel. On pense que la culture, c'est à un moment donné la rencontre avec quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas, quoi. Quelque chose qui peut être une surprise, une révélation, un bouleversement à un moment donné, dans un algorithme extraordinairement bien formaté, ne vous permettra pas de faire ça. Et la deuxième chose, c'est que c'est réducteur et c'est approximatif, on le voit bien d'ailleurs, parce que toutes les grandes plateformes ne cessent de réviser les formules de leurs algorithmes qui promeuvent le choix parce qu'elles sont insatisfaisantes. Parce que les données qui sont les vôtres, rapprochées aux clusters dans lesquels on les fait, de toute façon, n'ont pas la puissance, pour le moment en tout cas, d'y ajouter le contexte, l'humeur ou autre. On sait très bien, moi je me souviens, je me souviens très très bien de la première fois, et c'était il y a très longtemps, qu'on m'a proposé, ou qu'on m'a présenté plus exactement, le projet de la télévision Google, de la Google TV. Ça devait être au salon du CES de Las Vegas, et je peux me tromper de date, mais ça devait être 2006 ou 2007. Et donc, c'était à l'époque, Google était extrêmement, extrêmement heureux de montrer l'algorithme qui vous permettait d'avoir une proposition permanente de séries télévisuelles, de films ou autres, conformément à un, ce que vous recevez, et deux, ce que je sais de votre comportement. Mais en réalité, quand on regarde bien ce qui motive à un moment donné le choix d'un programme de télévision, d'une série ou d'une autre, d'abord, il y a le hasard, il y a l'humeur du jour, voire de l'instant. Mais le hasard, c'est ce qui fait qu'on zappe, par exemple. Exactement. On espère trouver quelque chose d'intéressant en zappant. Exactement, on zappe. On zappe. Donc, votre choix, vous laissez un peu la loterie le faire à votre place, si vous voulez. Mais si on parle du zapping... Là, les études montrent que quand vous avez 6 chaînes, vous zappez sur 6 chaînes, 12 chaînes, vous zappez sur 12 chaînes, mais quand vous avez 450 chaînes, vous zappez sur moins de chaînes que quand vous en avez 150. C'est QFD. Mais alors pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi est-ce qu'on multiplie les chaînes ? Comment on multiplie les jeans ? Parce qu'on est sur ce mécanisme d'accélération vraiment permanente de production, si vous voulez. Mais encore une fois, moi je crois... sincèrement, qu'une des limites paradoxales à ce développement n'est pas le développement de l'offre, mais la gestion du choix. Et quand vous regardez bien aujourd'hui, puisqu'on parlait d'intelligence artificielle, générative ou non générative, mais quand vous écoutez Sam Altman ou Bill Gates, par exemple, qui parle d'agents, ou d'autres, Sundar Pichai chez Google, qui va vous parler du personal operating system ou du concierge personnel, hein, vous voyez que tous ces entrepreneurs de la tech vous disent, en fin de compte, les IA vont nous permettre d'avoir un assistant personnel à qui je vais déléguer mon choix en permanence. Et de toute façon, vous aurez besoin d'assistance. Bien sûr, pour tout. Donc on a déjà nos assistances en permanence pour le GPS, pour voilà. Mais si vous voulez, vous aurez l'idée qui n'est pas totalement absurde. Hein. Quand vous voyez, il y a une version américaine de WhatsApp aujourd'hui qui permet d'avoir des robots conversationnels dans des domaines différents qui peuvent être la santé, la culture, le sport, etc. Mais l'idée, c'est de dire, évidemment, c'est de vous dire, ben, vous rentrez chez vous le soir et vous dites, je suis fatigué aujourd'hui, j'ai une mauvaise journée, il y avait trop de monde dans le RER, s'il te plaît, propose-moi un film qui me divertisse. Et l'IA va faire ça très bien pour vous. Personnalise l'offre. Donc, déléguer le choix totalement à l'IA par rapport à ce qu'elle sait de vous. Et tout ce que je dis, c'est qu'est-ce que devient notre vie culturelle, notre vie d'information ou autre, quand effectivement, une partie croissante de notre choix est déléguée à ce mécanisme-là. Vous avez d'un côté l'économie numérique qui s'emporte très bien, et de l'autre, je pense, une réduction de ce que nous sommes aujourd'hui. Je ne sais pas si ça a rapport à ce que vous êtes en train de dire, Bruno Patino, mais quelque part dans le livre, vous parlez de la disparition des hit-parades. Oui. C'est vrai qu'il n'y a plus de hit-parades. Il n'y a plus cette norme qui était imposée par les médias en disant voilà le disque qu'il faut écouter en ce moment. Est-ce que c'est lié à ce que vous... En fait, ben un peu, parce que la délégation de nos choix, en réalité... dans le monde pré-numérique, c'était pas au calcul. Donc on s'en remettait soit au conseil d'un ami, comme on dit, soit à un moment donné à l'idée de la foule, donc à l'instinct grégaire. Donc si ça marche pour les autres, ça marche pour moi. Donc le hit parade est là, donc le numéro 1, j'achète et je prends. Remarquez que les algorithmes, au début, ont fonctionné comme ça, les algorithmes de proposition. Ils vous mettaient en avant ce qui marchait le mieux. Donc, en fait, c'était des listes, des hits parades, entre guillemets, numérisés. Aujourd'hui, avec la spécialisation de plus en plus forte des données, leur individualisation, la fragmentation permanente, ben finalement, peu vous chaud de savoir ce qui marche vraiment chez tout le monde, puisqu'on va vous donner le choix pour vous aimer. Mais ce qui est paradoxal, c'est que on pourrait se dire, ben, ceci va créer ce qu'on imaginait au départ, c'est-à-dire une longue traîne, c'est-à-dire une fragmentation très forte de l'offre, mais non, au contraire, quand vous regardez le résultat, c'est ce qu'on appelle de winner takes all, c'est-à-dire que vous avez un résultat avec des concentrations de gagnants et énormément de perdants. Donc en réalité, le hit parade se recrée ex post, si vous voulez dire, après votre choix, mais on voit tous la même chose en réalité. Vous parlez aussi des livres, Bruno Patino, une étude anglaise, je crois. C'est pas une étude, c'était le rapport annuel de Penguin Books. C'est sur les centaines de milliers de livres. Alors, il me semble que le chiffre, c'était 58 000 livres ou nouveautés publiées chaque année. La vente moyenne par titre, c'est 22. Et vous en aviez une part, mais incroyablement importante, qui vendent moins de 12 exemplaires. J'ai pas dit 12 000, hein, ou j'ai pas dit 1200, j'ai dit 12. C'est-à-dire qu'en gros, la famille, les proches de la personne. C'est pas suffisant. et donc, si vous voulez, ça veut dire qu'effectivement, dans cette production-là, dans cette hyper-production, vous avez une concentration de plus en plus forte. En réalité, alors même que le choix est délégué à un mode de calcul qui se veut de plus en plus précis individuellement. Tout à l'heure, vous avez cité Bernard Williams, philosophe britannique, pour sa critique de l'utilitarisme. Mais il a aussi écrit un livre qui s'appelle « Véracité et vérité », dans lequel il pose la question, la distinction entre le vrai et le faux, dans nos sociétés gorgées de numérique, en disant que le désir de véracité, c'est finalement le souci de ne pas être trompé par les discours officiels, par les élites, etc. Et donc c'est finalement le souci de ne pas être dupe, ce qui est parfaitement sain. Si ce désir de véracité, dans les cas limites, peut aboutir aux théories du complot. Mais ce désir de véracité, c'est là qu'il met en avant un mécanisme pervers, normalement devrait aboutir à l'identification de la vérité. Mais il montre que c'est le contraire. Le désir de véracité aboutit à un déni de vérité, puisque dès qu'on tombe sur une vérité, on se demande si elle n'est pas artificielle, factice, relative, culturelle, éphémère, manipulée, etc. Et est-ce que vous ne pensez pas que le numérique accroît la difficulté de distinguer le vrai du faux? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que... Alors d'abord, si vous voulez, le numérique imbrique... Le vrai, la fiction et la réalité. Depuis le début, il y a une imbrication. Et cette imbrication-là, elle est tout à fait positive quand, de l'autre côté, vous avez le discernement nécessaire pour arriver à distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Et, si j'ose dire, avec les intelligences artificielles génératives, ça va pas s'arranger. Quand vous avez Johnny Cash qui chante Barbie Girl, vous vous doutez que c'est faux parce qu'il est mort depuis longtemps. Mais peut-être que c'est faux qu'il est mort. Peut-être que c'est faux qu'il est mort. Quand vous avez un président de la République qui chante Alouette, je te plumerai, vous vous doutez bien que c'est faux. Néanmoins, ça pourrait statistique, enfin ça pourrait en termes matériels être vrai. Vous avez cette imbrication-là par justement la reproduction permanente, les IA qui génèrent. Vous n'avez plus d'arrimage à l'image, le son, la preuve. La preuve n'existe plus, elle peut être fabriquée devant vous, donc vous êtes, tout repose sur vos propres épaules. Mais par ailleurs, ce que je crois, c'est que à cela se rajoute quand même un mécanisme, j'allais dire, de viralisation permanente qui vise justement à promouvoir le message qui met en doute en permanence. Parce que le message qui met en doute, malgré tout, il a ce côté attirant qui fait que vous y cédez comme à une sucrerie. Et donc il est promu. C'est ce que dit Williams. Le faux a un parfum qui est plus attractif que le vrai. Mais toute personne qui... Moi, j'ai commencé ma vie dans la presse écrite. Toute personne qui a fait sa vie dans la presse écrite savait toujours que le démenti était 10 fois moins lu que l'article initial. Ou que si moi, demain, je dis Et dans l'univers numérique aujourd'hui, si je dis une horreur sur vous, elle sera viralisée 15 fois ou 20 fois ou 100 fois plus hein, que si je dis quelque chose de factuellement vrai, mais de tout à fait raisonnable et pondéré, parce que la plupart des êtres humains sont plutôt raisonnables et plutôt pondérés. Et donc, vous avez toute cette structure-là, effectivement, dysfonctionnelle. C'est Ethan Zuckerman au MIT qui appelle ça les facteurs dysfonctionnels des réseaux, qui a bien montré que cet effet d'emballement, d'accroissement ou d'accélération, et surtout d'amplification des messages, qui remettent en doute l'ensemble des choses, est effectivement promu par la sphère numérique. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, encore une fois, c'est qu'on aura de moins en moins d'éléments. À partir du moment où plus rien ne fait preuve, tout fait preuve en réalité. Et c'est là, on arrive dans ce moment-là d'une hallucination générale possible, oui, bien sûr. Cette émission s'appelle La Conversation Scientifique, donc on va parler un peu de science. Et d'ailleurs, vous citez l'auteur américain Lovecraft à la fin de votre livre, qui a écrit une petite nouvelle en 1928, dans laquelle il parle de science. Je le cite. « Les sciences, écrit-il, chacune dans sa propre direction, nous ont jusqu'à présent fait peu de mal. Mais un jour, l'assemblage de connaissances dissociées nous ouvrira des perspectives si terrifiantes sur la réalité et sur la position effrayante que nous y occupons, que nous deviendrons fous à cause de la révélation ou que nous fuirons la lumière mortelle pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge des ténèbres. » D'un nouvel âge des ténèbres. Oui, c'est Cthulhu, c'est l'appel de Cthulhu, c'est-à-dire que dans la nouvelle, c'est une quête de quelqu'un qui essaye de rassembler, alors ça ressemble presque à du Umberto Eco, c'est-à-dire qui essaye de rassembler tous les éléments de connaissance possibles et ça rend fou parce que ça inquiète beaucoup trop fort. Et donc évidemment, on se réfugie vers la sécurité, l'oubli, l'homme fort ou la folie en réalité. Mais ça, c'est vous le scientifique, donc c'est vous qui me direz. Non, mais je suis d'accord avec cette analyse. Hein. Je pense que le Covid nous a montré des tendances de ce type-là, de façon assez pédagogique. Mais alors, comment retrouver sa liberté dans le trop-plein dont vous parlez, dans cette submersion? Comment sortir la tête de l'eau? Alors, en allant à la pêche? Eh bien, si vous voulez, dans le dernier chapitre, je dis pendant longtemps, en tout cas. Au moins dans deux ouvrages précédents, je disais oui, d'aller à la pêche, c'est-à-dire de retrouver ce que Paul Valéry appelait les cloîtres en 1931. Hein, il disait oui, à un moment, face à la vitesse, l'accélération, face aux ondes. Pourtant, c'était rien par rapport à aujourd'hui. Exactement. Il faudra à un moment donné qu'on bâtisse des cloîtres. Pour trouver des gens libres. Où plus rien ne rentrera. Et à l'intérieur de ces cloîtres... Même pas le papier. Exactement. Et à l'intérieur de ces cloîtres, il y aura les derniers hommes et femmes, les derniers êtres humains libres. Et donc, je me suis dit, oui, pendant longtemps, avoir des lieux de retraite, de déconnexion absolue, ça va être la solution. Moi, je pense qu'on doit naviguer ça. C'est-à-dire, je pense qu'on doit naviguer la submersion. Je pense, de façon peut-être un peu naïve, que l'éducation au discernement, l'éducation à la philosophie, que l'imbrication éducative entre la culture scientifique et la culture des sciences humaines. Dans votre livre, excusez-moi, Bruno Patino, vous ne parlez pas d'imbrication. Non, je parle. Vous dites, il faut opérer. Ça m'a choqué. Hein. Ouais, je me doute. Vous dites, il faut opérer un pas de côté en passant de la pensée scientifique à la pensée littéraire. Oui, parce que. Vous êtes sûr qu'on est dominé par une pensée scientifique? Je reprends un livre évidemment de Charles Percy Snow qui venait d'une sur les deux cultures. Exactement, qui venait d'une communication qu'il avait faite sur les deux cultures en disant quand même le monde occidental a séparé de façon totalement étanche la culture scientifique et la culture, on va dire, des sciences humaines, philosophiques ou autres. Ce que je veux dire plus exactement dans ce chapitre, c'est que je ne crois pas que la solution à la submersion soit une solution technique. C'est-à-dire que quand j'entends surtout là-dessus on est d'accord en disant c'est très simple, les dysfonctionnements produits par les algorithmes seront gérés par les algorithmes, la submersion sera gérée par le choix algorithmique, l'IA nous dira quoi faire de l'IA. Exactement, l'IA va nous permettre d'avoir des IA de confiance, etc. Je pense que c'est une illusion. Et je me dis finalement, si je prends métaphoriquement la scène finale de 2001 Odyssée de l'espace, dans lequel le cosmonaute qui semble perdu traverse un espèce de stroboscope gigantesque pour, à la fin, être dans une pièce bizarre qui marque à la fois sa mort et sa renaissance, comme une autre personne. Je me dis quand même qu'il faut qu'on fasse un travail philosophique sur nous-mêmes. Alors, je n'ai pas dit abandonner les sciences, mais en tout cas, ne pas penser que la technique, plus que la science, que la technique sera la réponse aux défis qu'elle nous pose aujourd'hui. On parle beaucoup de défiance aujourd'hui, dont on parle de science, de technologie, d'IA, etc. Mais est-ce que la défiance n'est pas une bonne chose? Je vous cite une phrase, en fait c'est une réplique prononcée par Jean Gabin dans le film Le Cave se rebiffe, un film de 1961 et réalisé par Gilles Grangier. Gabin dit « Depuis Adam se laissant enlever une côte jusqu'à Napoléon attendant Grouchy, toutes les grandes affaires qui ont foiré était basé sur la confiance. » Oui, mais évidemment, ça c'est parfait. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Mais en tout cas, ce que je crois moi, en revanche, c'est que non, je pense qu'on vit un moment de défiance généralisée. Qui en tout cas, en termes d'espace public, et là je vais reprendre un peu la casquette de mon métier, tous les baromètres de confiance aujourd'hui montrent un effondrement de cette confiance. Vis-à-vis des médias, on peut se dire que c'est pas très grave. Vis-à-vis des institutions, ça commence à être beaucoup plus grave. Vis-à-vis de toutes les formes de savoir, d'expertise ou de cléricature, là, ça commence à devenir dramatique. Voire même, vis-à-vis, et là, je cite les baromètres, des membres de ma propre famille. Donc, on se dit, là, ça commence à ressembler très clairement à une guerre civile permanente. Mais est-ce que ce qui nous menace le plus, c'est notre incrédulité ou au contraire notre crédulité? Si on prend Bernard Williams qu'on a évoqué à deux reprises, on a l'impression que c'est la crédulité qui est plutôt la menace, à condition, enfin, lorsqu'elle s'applique à des choses qu'il faudrait ne pas croire. Là-dessus, je suis plus pondéré. C'est-à-dire que, d'abord, beaucoup d'études montrent qu'on est moins crédule qu'on en a l'air. Ou plus exactement que c'est pas que l'on croit ce que l'on voit, mais on arrive à voir ce que l'on croit. Peut-être qu'on ne voit que ce qu'on croit. L'inverse de saint Thomas. Exactement, c'est l'inverse de saint Thomas. C'est exactement ça que je voulais dire, c'est-à-dire que tout cet univers-là, cette défiance généralisée, nous permet que de voir ce à quoi l'on croit, et puis petit à petit, on devient chacun de nous, entre guillemets, prophète. Et puis moi, je vais relier les deux, je vais prendre 30 secondes pour relier les deux. Il y a un livre que je cite, non pas dans ce livre-là, mais dans un livre précédent, une étude qui avait été faite, et tout à l'heure j'ai écouté l'émission de Marie Richeux, sur justement le faux journal radiophonique qu'avait fait Orson Welles à propos de la guerre des mondes. Vous savez, deux jours plus tard, donc il met en scène la guerre des mondes d'H.G. Wells, Orson Welles met en scène la guerre des mondes d'H.G. Wells sous forme de journal radio. Deux jours plus tard, dans les années 30, le New York Times titre « Panique immense dans le New Jersey à Manhattan ». Les gens ont cru que c'était arrivé. Et vous avez un universitaire américain qui a passé plusieurs années de sa vie à étudier la réalité. Il s'est passé des petites choses. Mais il ne s'est pas passé une grande panique. Mais surtout, ce qu'il a étudié très fortement, c'est les dépositions auprès des shérifs locaux et les courriers reçus par CBS. Et les courriers étaient très très intéressants parce que, grosso modo, les courriers disaient la chose suivante. Vous êtes complètement fous d'avoir fait ça, vous êtes des irresponsables, vous devriez être condamnés, on devrait vous interdire. Ok, moi je n'y ai pas cru, mais mon voisin y a cru. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas crédule, mais vous ne faites pas confiance à votre voisin. Vous pensez que votre voisin, lui, est crédule. Et donc, vous avez la défiance vis-à-vis de votre voisin, mais votre crédulité, elle est assez limitée. Merci, Renaud Patineau. Je suis obligé de vous couper parce que nous allons écouter ensemble la chronique d'Alexandra Delbault qui, aujourd'hui, va nous parler, je crois, de la physique des postillons. C'est de la science dure. Les fêtes arrivent avec les grandes tablées, des vieux oncles qui parlent un petit peu trop fort. Il y aura donc en plus des cotillons, de nombreux postillons. Ces postillons sont en réalité ce qu'on appelle une atomisation de la salive dans l'air. Et si ce phénomène est très étudié par les physiciens, c'est parce qu'il est utilisé dans de nombreux domaines. En agronomie, pour comprendre comment disperser un engrais sur les plantes, ou dans l'industrie pharmaceutique pour créer des inhalateurs par exemple. Dans ces cas, ce sont des produits d'intérêt qui doivent être le plus efficacement autant possible fragmenté dans l'air. La salive, elle, n'est pas vraiment un liquide d'intérêt en soi. En revanche, elle intéresse de plus en plus parce qu'elle est impliquée dans la propagation des maladies. Manouk Abkarian est directeur de recherche CNRS au Centre de biologie structurale à Montpellier. On sait beaucoup de choses sur les fluides que je dirais classiques, ou les physiciens utilisent le terme de newtonien, parce que Newton, c'était le premier qui a regardé ce qu'on appelle la viscosité d'un fluide. Et donc les fluides newtoniens comme l'eau, le miel, des fluides comme le glycérol, sont des liquides qui ont un comportement, on va dire, presque simple, et on sait à peu près comment, lorsqu'on étire un film ou un filament d'un tel liquide, comment il va se rompre quand il n'y a pas d'air autour. Et lorsque, par contre, on met un écoulement aérodynamique autour d'un tel fluide qui est en train de s'étirer, la difficulté, c'est de savoir comment la fragmentation qu'on voit au repos est modifiée par l'écoulement aérodynamique. Et on a beaucoup de choses qu'on a compris là-dessus. Par contre, dès qu'on commence à rajouter de la complexité dans le fluide, donc dès qu'on commence à mettre des objets, alors là, dans le cas de la salive, par exemple, c'est des macromolécules, des énormes molécules, comme l'amylase, qui nous permet de faire de la digestion, ça change les propriétés d'écoulement de ces fluides. On les appelle des fluides non newtoniens, ou des fluides complexes. Et donc, tous ces processus de fragmentation peuvent être modifiés. Si les éternuements ont été bien étudiés pendant la pandémie, on en sait encore peu sur les perturbations plus fines de l'écoulement de l'air. Comme par exemple, la parole. Comment certaines syllabes vont façonner la salive et l'étirer pour créer des gouttelettes et postillons. Et c'est crucial pour comprendre comment un virus peut se transmettre et à quelle distance ces suspensions de liquide peuvent se propager. Mais comment voir la formation des gouttelettes de salive? Eh bien, on ne peut pas les photographier. Les postillons bougent trop rapidement et l'appareil photo n'a pas le temps de faire la mise au point. Alors, dans cette nouvelle étude, les scientifiques se sont servis d'une ancienne technique, l'holographie en ligne, une méthode qui associe faisceau laser et diffraction de la lumière. Et devant ce laser, une personne a été placée, sa bouche plus précisément, pour qu'elle vocalise des consonnes qu'on dit plosives, le P, le B, le T, et ainsi on peut suivre la formation en 3D des gouttes microscopiques de salive dans le temps. Manouk Abkarian est le dernier auteur de cette étude parue dans le Journal of Aerosol Science. On a pu voir que les filaments étaient étirés par les surfaces humidifiées, donc par exemple dans le cas du P, c'est les lèvres. Ces filaments, en fait, sont produits par un film au départ très très fin qui se troue, ce qui génère des colonnes qui relient les lèvres, et ces filaments de liquide s'affinent au fur et à mesure que les lèvres s'ouvrent et se déforment parce que la plosion, donc l'air qui sort à plus de 10 mètres par seconde, voire 15 mètres par seconde, est en train d'étirer ces filaments. Et là, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, ces filaments, leur épaisseur reste uniforme jusqu'à un moment où on voit des épaississements dans certaines zones du filament et un point de rupture, soit sur le filament qui est attaché à la lèvre inférieure, soit sur le filament à la lèvre supérieure. Et là, on voit un mouvement caractéristique de fouet qui se déforme, qui se déroule, on va dire, très rapidement, pendant que ces petites zones plus épaisses se condensent en gouttelettes. Ben, ces petites gouttes vont partir plus vite en paires, deux gouttes reliées par un petit filament de salive. Alors, les deux gouttes sont déjà petites, hein, elles vont être imaginées autour de 20 ou 50 microns. Donc déjà, c'est des gouttes qui peuvent rester normalement en suspension. Et le filament entre les gouttes peut descendre bien en dessous de la dizaine de microns. Alors, en dessous de la dizaine de microns, là, avec notre approche, on ne peut pas résoudre. Mais on sait que le filament est là parce que les gouttes restent en orbite. Et dans le cas d'un épaississement très rapide du filament de salive, on n'obtient pas un fouet, mais une rupture directe, ce qui produit d'énormes postillons de plusieurs centaines de microns, ceux qui se voient à l'œil nu. Ce sont des résultats expérimentaux obtenus en conditions réelles, mais pour l'instant, ils ne concernent qu'un seul et unique individu. On peut imaginer qu'en fonction du débit de parole ou de l'articulation, l'atomisation de la salive puisse être différente. Et donc, l'objectif à présent, c'est d'étendre cette étude, d'impliquer davantage de sujets pour voir si ce phénomène est identique sur une dizaine ou une vingtaine de personnes, afin de mieux comprendre quel est le devenir de chacune de ces gouttelettes et postillons. Merci Alexandra et merci à vous Bruno Patino d'être venu, plutôt revenu à France Culture que vous connaissez bien. Merci beaucoup. Je recommande la lecture de votre livre Submersion qui vient de paraître chez Grasset. Submersion qui a pour anagramme Sermon subi, ce qui à mon avis n'est pas un hasard. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Alex Dang et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.